ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Jean Bosco, Nduimana. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Une femme adepte des ébis se fait arrêter en Ngozi pour avoir tenté de boycotter la vaccination de son enfant contre la poliomyélite. Son nourrisson a reçu malgré tout sa cure et sa mère a du coup refusé de l'allaiter. Notre correspondant nous l'a dit dès le début de ce journal. La fusion entre l'Onatel et la société Smart est envisagée en vue de la création d'une société de téléphonie mobile capable de satisfaire la clientèle en lui fournissant un haut débit Internet. Des négociations dans ce sens sont en cours. Vous entendrez les précisions de la ministre burundaise en charge des télécommunications. Elle était ce jeudi à Kigobe pour des questions orales des députés. Et des rapports présentés tardivement par le ministère des Finances et qui ne sont pas du tout clairs sur les sommes encaissées dans le trésor public. C'est le coup de gueule du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les mauvaises économiques au LUCOM qui appelle les députés à leur responsabilité de contrôle de l'action gouvernementale. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une femme de la commune Gajikano en province Ngozi est depuis mardi au cachot de la police judiciaire de cette commune. Elle a refusé que son enfant de 8 mois soit vacciné contre la poliomyélite. Après sa vaccination par force sur ordre de l'administration, cette femme a refusé son allaitement, d'où elle a été amenée à la police judiciaire pour un bon suivi de son nourrisson. Quelques minutes après, l'enfant a disparu. L'administration communale est à sa recherche. Cet adepte des ébis dit que le bébé est avec son père, mais ce dernier a fui sa maison. Théophile Nivizi, administrateur communal, conseille aux parents de faire vacciner de tous les enfants cibles pour éviter que celui qui n'est pas vacciné contamine les autres. Apollinaire Mozagara. Comme l'indique l'administrateur de la commune Gashikanoa, les parents de son nourrisson désertent leur foyer avec son bébé chaque fois qu'une vaccination approche et retourne après cette activité. À l'origine de son sabotage, des croyances des adeptes des ébis, dont font partie Anselme Ndayisenga et son mari. L'administration a donc décidé la vaccination de cet enfant par force mardi avant le début de cette troisième phase de vaccination contre la polio. Dès lors, la mère de son bébé a carrément refusé de l'allaiter. L'administration a donc décidé de l'amener à la commune pour la convaincre, mais le lendemain, l'enfant n'était plus avec sa maman à la surprise de tout le monde. Il aurait été enlevé par ceux qui l'ont rendu visite, selon Théophile Nibiz. Au cachot, Ansil indique que l'enfant est avec son père, mais ce dernier est introuvable à la maison, même à son téléphone portable. L'administrateur de cette commune demande à la population de répondre sans exception à ce rendez-vous, car d'après lui, un seul cas non vacciné peut contaminer toute une population. Cette troisième phase de vaccination contre la poliomyélite, qui a débuté ce 26, prendra fin le 30 de ce même mois d'octobre. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et des négociations pour la fusion entre les sociétés de téléphonie mobile Smart, qui s'est vu retirer sa licence d'exploitation, et Onatel, une société étatique, sont en cours en vue de la création d'une société de téléphonie mobile capable de fournir un haut débit Internet au Burundi. Déclaration de la ministre de la Communication et des TIC au cours d'une séance d'analyse par l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant code des télécommunications électroniques et postales. C'était ce jeudi. La ministre Léocadi Ndacha Isaba martèle que les conclusions de négociations entre ces sociétés de téléphonie dépendront de la régularisation des arriérés qui ont été à la base de la suspension des activités de la société SPAT. Suivez plutôt la ministre de la Communication des TIC et des Médias, traduite en français par De Horeb Ingabire. La société Smart a été engendrée par la CEL. C'est la licence de télécommunication Smart qui a été suspendue du fait que la CEL ne s'est pas acquittée. La CEL a été mise en demeure après plusieurs réunions sur leur cas. Il y a une société mère de la CEL et les avoirs de la première appartiennent aussi à la CEL. Alors, nous négocions un partenariat entre les deux. Mais c'est lorsque Smart aura payé ses redevances. Avec ce partenariat, la CEL pourra instaurer un réseau d'Internet. Nous sommes en train de négocier aussi un partenariat avec Onatel pour que celui-ci puisse travailler avec la CEL dans le domaine des télécommunications. Ce sera pour vérifier le réseau qui est meilleur que l'autre. Après le remboursement des redevances, si ces deux sociétés fusionne et qu'on arrive à avoir un bon réseau, la société Smart pourrait se mettre en marche. Elle amènerait ainsi ses avoirs, les antennes ou les autres matériels qu'elle avait mis en marche sur terrain ici au Burundi. La société Smart a un vaste centre de données que nous pourrons utiliser et Onatel a des réseaux à l'intérieur du pays. Nous sommes en train d'examiner comment ils peuvent se fusionner et devenir un seul réseau de télécommunications. La condition que nous avons imposée à la CEL et Smart est de payer les dettes. Nous espérons que ces antennes et autres matériels sont toujours en bon état et qu'ils pourront servir après la fusion. La ministre Léocadie Ndachaïsaba en charge des télécoms lors de l'analyse par l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant code des télécommunications électroniques et postales, c'était ce jeudi. Certains députés ont exprimé à cette occasion leurs préoccupations par rapport à la hausse des prix des télécommunications au Burundi. Ces élus du peuple ont regretté que des hausses de prix soient appliquées sur des connexions de faible débit. Ils demandent au ministère des Communications et TIC à suivre de près l'état des connexions téléphoniques et l'application des prix sur différents bouquets Internet. Les détails avec Placide Niyomungere. Sont là les députés qui s'inquiètent de l'état de la connexion téléphonique et Internet au Burundi. Pour le parlementaire Manirakiza Antoine, souvent, il est presque impossible d'appeler ou de télécharger un document suite à la non-fiabilité de la connexion. Cet élu déplore les hausses des prix appliquées sur différents bouquets Internet avant de s'interroger si les variations de ces prix sont communiquées au ministère de tutelle. Pour le député Anissé Ndaïzeye, les technologies de la communication sont devenues ces derniers jours un des moyens qui contribuent au travail à distance. Pour lui, c'est regrettable de voir que même la ville de Bujumbura n'est pas bien connectée à l'Internet en toute son entièreté. Il cite ici le cas des quartiers périphériques comme Nyabugete. Pourtant, le député Gaïtila Rédempteur rappelle que le gouvernement burundais avait instauré par décret présidentiel un fonds de plus de 8 milliards de francs pour l'appui aux télécommunications et veut savoir ce qui a été sa finalité. Pour lui, ce montant qui date des années allait servir de privilège d'allègement dans les communications et d'appui aux fournisseurs d'accès Internet, dont la société étatique Onatel qui affiche un état de santé financière déplorable, expliquait-il. Face à toutes ces inquiétudes, la ministre ayant les télécommunications dans ses attributions, qui ne nie pas les faits, justifie que la non-fiabilité des connexions Internet au Burundi est le produit d'une combinaison de plusieurs facteurs, dont la pénurie du carburant et les coupures d'électricité. Quant aux variations des prix des actions téléphoniques, la ministre Léocadie jette la balle dans le camp de l'Agence de régulation de contrôle des télécommunications ARCT qui, dit-elle, mène des concertations avec les sociétés de téléphonie mobile pour la validation des prix à appliquer sur les consommations téléphoniques. La ministre Ndachaïsaba affirme également que le fonds d'appui aux télécommunications instauré par le décret présidentiel de 2017 est toujours disponible, mais que le problème s'est posé au niveau de son conseil d'administration qui a connu des mutations de certains de ses membres pour d'autres fonctions et rassure néanmoins que le projet de décret pour le remplacement des personnes affectées ailleurs est toujours en cours, ce qui, pour elle, permettra le déblocage de son fonds. Cela étant, les articles 86 et 87 du budget général de l'État, exercice 2023-2024, suppriment déjà toutes les taxes de valeur ajoutée et taxes à la consommation sur les appels par minute et message, après avoir instauré une taxe spécifique de téléphonie mobile sur le trafic national, respectivement de 52 francs bout par minute d'appel et 5 francs bout par message. Envoyé. Placide Niyomungere. est le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, regrette que le ministère des Finances présente tardivement des rapports contenant des zones d'ombre sur les recettes encaissées, ce qui ne manque pas d'impacter l'économie du pays. Gabriel Oufiri trouve que les députés et sénateurs devraient être rigoureux dans l'analyse de ces rapports fournis sur l'exécution du budget et ainsi jouer pleinement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Suivez-le. Le premier constat que nous voyons date de ces dernières années, d'abord, les rapports ne sont pas produits, n'étaient pas produits. Il y a les rapports trimestriels et les rapports, ce que nous appelons les lois de règlement budgétaire. Les lois de règlement budgétaire, c'est un rapport consolidé, rapport annuel consolidé, mais les rapports trimestriels montrent les réalisations budgétaires du trimestre concerné. Date de ces dernières années, on a constaté que les lois de règlement budgétaire n'étaient pas produites. Vous-même, vous avez constaté que dans ces rapports, les tableaux ont mentionné zéro au niveau des recettes. Mais on se pose la question, comment un rapport où on voit zéro peut être présenté au niveau de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale accepte ces rapports? Si moi, j'étais dans la place du président de l'Assemblée nationale, moi j'allais rejeter purement et simplement ce rapport. Donc, si vraiment cette situation continue comme ça, il sera très difficile de réaliser le rêve du président d'avoir un Burundi émergent en 2040 et un pays développé en 2060. C'est impossible. On doit vraiment changer notre manière d'agir, notre manière de faire. Et les institutions républicaines doivent jouer un rôle important. En premier lieu, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'est pas possible d'accepter un tel rapport. Ce n'est pas possible. Le gouvernement doit tout faire pour que, quand même, on montre que nous sommes dans le budget programme et dans l'exécution de la vision 2040-2060. Quand au niveau des rapports, les rapports sont flous, c'est zéro. Comment on va évaluer? C'est impossible. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de formation de la part de ceux qui sont en train de le faire. Gabriel Oufiri, c'est le président de l'Olicom. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 6 personnes ont été blessées dans l'après-midi de ce jeudi lors des pluies mêlées de vents violents tombés dans les communes Murgui et Buganda de la province de Cibitoke. Des données provisoires des administrateurs de ces communes font état de plus de 580 maisons, 5 écoles et 5 salles de classe démolies. Ces administrateurs demandent de l'aide en faveur des sinistrés. Alexis Ndairakiche. 6 personnes blessées, plus de 580 maisons endommagées, d'autres démolies, des poteaux transportant les fils électriques qui sont tombés par terre, des fruits de mangue qui sont tombés par terre également, tels sont les dégâts occasionnés par les pluies mêlées au vent violent qui se sont abattus dans l'après-midi de ce jeudi dans les communes de Buganda et Mugui. Ces données étant provisoires selon les administrateurs de ces deux communes. En commune de Buganda, 4 enfants ont été blessés, 450 maisons ont été endommagées ou démolies, 5 écoles également ont été endommagés. À part ces dégâts signalés, des poteaux transportant les fils électriques qui sont tombés par terre. Concernant les cultures fruitières, des fruits de mangue en floraison sont tombés par terre. L'administrateur de la commune de Buganda, Pamphile Akizimana, demande aux sinistrés de se retenir tout en demandant aux bienfaiteurs d'assister cette population sinistrée. En commune Mugui, 2 personnes ont été foudroyées, ont été blessées et ont été vite conduites dans les structures de soins. À part ces dégâts humains, plus de 130 maisons ont été endommagées ou démolies. 5 salles de classe ont été endommagées également. L'administrateur de cette commune, Américain Nzokizwanayo, demande également aux bienfaiteurs d'assister ces personnes sinistrés. En commune de Gombo, qui a été également touchée par les pluies de l'après-midi de ce jeudi, l'administrateur de cette commune indique qu'il est en train de collecter des données qu'il pourra donner ultérieurement. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Et certaines femmes rapatriées originaires des communes Giteranye Muyinga et Gasorgwe de la province Muyinga se voient obligées de rentrer au pays sans attendre l'assistance du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Dans ces conditions de rapatriement, elles se contentent du soutien psychologique et entrepreneurial que leur offre l'Association des femmes rapatriées Afrabou. L'administrateur de la commune Gasorgwe déclare quant à lui que ces femmes rapatriées sont accueillies comme tout autre Burundais. Odin Naishimiye. Ces femmes rapatriées sont l'assistance du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR vivant dans les communes d'Ogasogwe, Muyinga et Giterani de la province Muyinga, disent être rentrées par cette voie car elles vivaient dans de mauvaises conditions dans les camps. Tuyiseng et Claudine habitent la colline Gakoni, zone Toura de la commune Giterani en province Muyinga. Elle est rentrée en provenance du Kenya et dénonce la faim et la pauvreté comme cause essentielle de son rapatriement sans assistance du HCR. Je vivais dans de mauvaises conditions avec mes enfants. J'ai alors téléphoné ma famille en leur annonçant que mon enfant souffrait de malnutrition. Je suis par la suite sortie clandestinement du camp et je me suis rendue à la frontière où j'ai pu récupérer les francs ougandais envoyés par ma famille. De là, je me suis rendue à Karagwe en Tanzanie, puis à Ngala avant d'arriver chez moi. Sinzo Bakwira Isaï, représentant de l'association des femmes rapatriées à Frabou, en commune Giterani, fait savoir que cette association apporte un soutien psychologique à ces femmes tout en renforçant leurs capacités sur le volet entrepreneurial. Nous leur apportons un soutien psychologique car certains d'entre eux ont perdu la confiance en eux. Nous leur disons que la vie continue après leur arrivée et leur donnons des formations sur l'entrepreneuriat. Même situation en commune Gasogwe. Certaines femmes sont rentrées des camps des réfugiés sans attendre l'assistance du HCR. L'administration de cette commune affirme soutenir et accueillir ces femmes comme tout autre Burundais. Il y a des personnes qui rentrent sans l'assistance du HCR. Quand elles arrivent dans le pays, nous les accueillons comme des Burundais. Les chiffres donnés par la Direction générale du rapatriement au Burundi montrent qu'entre 2017 et 2022, les pays dont provenaient les rapatriés sont la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, la République démocratique du Congo et la Mozambique. La Tanzanie, toujours selon ce rapport, est le principal pays de provenance avec 154 006 rapatriés. Le Kenya, quant à lui, enregistre 2 350 rapatriés de 2018 à 2022. Et en actualité internationale, ce sera pour boucler ce journal. L'ancien premier ministre chinois Li Keqiang s'est éteint dans la nuit de ce jeudi à vendredi 27 octobre à Shanghai des suites d'une crise cardiaque. C'est ce qu'ont annoncé de concert ce vendredi matin les médias d'État en Chine. Li Keqiang a démissionné de son poste en mars dernier après deux mandats. Il avait 68 ans. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.